Page 97. Activité 4. Piste 86. A. Voilà mes enfants. B. Je te présente mes sœurs Lucie et Kenny. C. Mes frères et sœurs habitent ici.